rimeur à gage, Altesse, RF satire, Crax, Rhino, yeah, yeah, yeah, yeah. Rimeur à gage, ça sent le hall, ça sent le bitume, l'école, les thunes, l'école, la suite, je la connais. Rimeur à gage, ça sent le hall, Altesse, RF satire, Rhino qui m'épaule. Rimeur à gage, ça sent le hall, ça sent le bitume, l'école, les thunes, l'école, la suite, je la connais. Rimeur à gage, rimeur à gage, ça sent le hall, ça sent le hall, Altesse. Rhino qui m'épaule, rimeur à gage, rimeur à gage, ça sent le haut, ça sent le haut, ça sent le bitume, l'école, les thunes, l'école, la suite, je la connais. Rimeur à gage, rimeur à gage, ça sent le haut, ça sent le haut. Y'a la terreur de la ivre dans tes ivres morts. Petit, lâche pas tes livres, tu vas te suivre le même sort que les rappeurs. Maintenant des lacunes, alors pour sortir des hits, sont obligés de venir me sucer la queue. L'industrie c'est devenu le Kosovo et c'est la guerre à chaque district. Et maintenant tout le monde se district. Nouveau son, nouvelle tuerie, nouvelle écurie, nouvelle opus et nouvelle carte à puce et public en folie. Rappé par ici, et moi je passerai par la bordel. Putain, Sarko a fait un gosse à Padella. Ah ah, Amara, à la race, à l'arrache, nain. J'écris mes textes à l'âge, la chat dans les clashs, alors lâche-moi, hey. Manda aussi, nan, mais j'hallucine. Ils disent c'est des rappeurs, mais c'est tous des rock voisines. Nana, pareil que ça stresse. Manque de chance et de compresse pendant que tu cherches tes phases. J'ai fait le tour de la tête. Rimeur à gage, rimeur à gage, ça sent le haut, ça sent le haut, ça sent le bitume, l'école, les thunes et l'école, la suite, tu la connais. Rimeur à gage, rimeur à gage, ça sent le haut, ça sent le haut. Altesse, RF satire, Rhino qui m'épaule. Rimeur à gage, rimeur à gage, ça sent le haut, ça sent le haut, ça sent le bitume, l'école, les thunes et l'école, la suite, tu la connais. Rimeur à gage, rimeur à gage, ça sent le haut, ça sent le haut. Altesse, RF satire, Rhino qui m'épaule. RF satire, qui débarque. RF et Rhino, Altesse, ça fout des claques. Le rap français, on vient le transpercer. Un gros 16 lyrics et je l'ai dévergé. Compare mon flow, mes rimes Adam K. Tu peux pas t'en séparer, demande à CRAK. Habitue-toi à me voir, à m'écouter, parce que je viens d'arriver et je suis pas prêt d'arrêter. J'ai le rap qui coule dans mes veines. Essaye de rivaliser, ça vaut même pas la peine. Un sang anti-jaloux, anti-haineux. Mon rap est en bonne santé pendant que le tien saigne. Si le rap serait du foot, je serais le capitaine. J'espère percer vite, j'attends pas la trentaine. Je passe ma haine, ma rage dans le beurre. Le rap c'est mon domaine, j'espère que tu seras. Rimeur à gage, rimeur à gage, ça sent le haut, ça sent le haut, ça sent le bitume, l'école, les thunes et l'école, la suite, tu la connais. Rimeur à gage, rimeur à gage, ça sent le haut, ça sent le haut. Altesse, RF satire, Rhino qui m'épaule. Rimeur à gage, rimeur à gage, ça sent le haut, ça sent le haut, ça sent le bitume, l'école, les thunes et l'école, la suite, tu la connais. Rimeur à gage, rimeur à gage, ça sent le haut, ça sent le haut. Altesse, RF satire, Rhino qui m'épaule. Crash 23, venu checker Altesse. Tous en mode illicite quand c'est la dèche. Une debout sur la table quand c'est la fête. C'est pour la thèse, touche pas la cesse. Marre de cesse, franche, bientôt je me casse à Marrakech. Si il reste que les miens, tant pis pas, je croquerai la 7. Salamo, maître du JPR, gardez la pêche. Les baisse, jamais on sera baisse. MC, je te baisse en latex. Tu ne peux pas t'aise. Face à moi, tu ne tiens pas tes bégayes devant le 357. Pour la source, oh, Orgemont, oh, les prêles, oh, épinés, oh, tu peux pas nous la mettre. Demande à la carette. On a fait un plan en douce, toi tu t'es mangé la carotte. Putain, t'es ridicule, tu te prends pour le boss de la planète. Mais en fait, t'es qu'une grosse pute, le boss des salopes, hein. Rimeur à gage, rimeur à gage, ça sent le haut, ça sent le haut, ça sent le bitume, l'école, les thunes et l'école, la suite, tu la connais. Rimeur à gage, rimeur à gage, ça sent le haut, ça sent le haut. Altesse, RF satire, Rhino qui m'épaule. Rimeur à gage, rimeur à gage, ça sent le haut, ça sent le haut, ça sent le bitume, l'école, les thunes et l'école, la suite, tu la connais. Rimeur à gage, rimeur à gage, ça sent le haut, ça sent le haut. Gars, écoute cet ego, reste cool, roule ton bédo. Tu get mon ghetto, gangster même au micro. La terreur lâche des astres, criminel, ririno. Nouveau niveau pour mes rivaux qui finissent dans le caniveau. J't'esquive, kiffe mon son, mais oui, beat garçon. Y'a pas de beat façon, des caniches au micro. Du style du flow, des punchlines, tu reconnais l'artiste. Au style, mais faut des fonds pour te débloquer le disque. Puis, ce qu'on est chaud, fiston. Pour nous, le rap marchera sans piston. Altesse, RF Sat, Las, en featuring. Du crime dans le sang, je laisse des traces dans mes urines. Rhino va niquer la France en commençant par Paris. seul ou accompagné, car ça va être de la barbarie. ORG, c'est le QG, des délinquants réfugiés. La tôle c'est dur pour nous, c'est du survie qu'on s'est toujours accusé. Accusé.